Je me réveille encore bourré de la veille. Tu vois le même numéro qui m'appelle. J'ai rendez-vous avec un mec. Faut que je lui donne de la zipette. J'en ai marre de cette putain de merde. Je suis sur le terrain toute la saison. Les cafons font casser la porte de la baraque. Ma mère m'a viré de la maison. Je passe prendre la bécane et m'arrête au café de la caisse. Un fils de pute me doit des sous, j'attends qu'il se manifeste. Au lieu de ça, je tombe sur un grand de chez moi. Un vrai parasite, ça fait trois fois qu'il me casse les couilles pour que je lui donne de la cesse. Comment je t'en ferai bien, quoi? Tranquille, toi? Ça va? Ouais, c'est comment? Comment ça, comment? Je t'appelle, tu me réponds pas. Comment t'es ça? Chelou. T'es chelou, frère. Je t'ai demandé une pièce, on dirait que je t'ai demandé 10 kills. Tranquillement, frère, je vois comment tu parles. Calme-toi, tranquille, frère, on va se capter, je t'envoie ça tranquillement. Tranquille. Je me cache, j'ai rendez-vous dans Paname. Un demi-litre est prêt pour le bolos. C'est de la rep, on met pas de banane. Elle arrive direct, planquée dans les bananes. Avant de partir à la sécu, on vit dans une sale époque. Je passe voir la fille que je baise, obligé de récup le Glock. Lui, je vais donner 2-3 fois, c'est 100 balles depuis 3 mois. Et il a déjà eu du retard, et j'ai dû élever la voix. Il a de la chance d'être un payeur, j'aurais niqué sa mère. Mais avant de faire de la violence, on peut récupérer le salaire. Oui, mon frère. Ouais, alors Reda ? Oui, mon frère, oui. Ah, frère Reda, tu te fous de ma gueule ou quoi ? Il est où mon argent ? Mais non, frère, mais non, je t'ai dit, attends juste quelques jours et c'est bon. Mais ça fait 2 mois, tu me dis tous les jours, j'attends. Ah, Reda, je suis en train de péter les plombs, paye-moi, Reda. Bref, j'enchaîne direct, j'ai pas le temps d'aimer comme les gros, j'en ai à l'appel. Je lui donne et je récupère les va-va-va-va la pompe de porte de la chapelle. Je suis sur place, je me pose en face. J'allume une clope, je tiens pas en place. Cette nuit en plus, j'ai fait un mauvais rêve. On a joué ma vie à pile ou face. Je vois un mec qui fait des allers-retours. Et une meuf qui garde dans un golf. C'est moi qui fous, peut-être j'ai trop bédave. Un qui me regarde et parle au téléphone. J'ai déjà vu ça dans un film, je crois bien que je suis parano. Des fois à cause d'un détail, y'a tout qui part à l'eau. Je vois Reda qui arrive au feu rouge. Je lui donne une paix en un clin d'œil, je serai déjà sur l'autoroute. J'ai le sac à dos, je m'arrête à côté de lui. Il baisse la vitre et je lui jette. C'est un sale tempo, t'en fais vite. Aujourd'hui la vie, je sais pas ce qu'elle mijote. Y'a le rétro qui attire mon œil, je vois tout noir comme s'il y a 60 mecs. Y'a ma tête qui me dit de prendre la fuite, j'accélère et là c'est noir total. J'ai atterri, les condés m'ont tamponné, vite fait bien fait, j'ai fini dans le car cellulaire, les fils de m'ont mis à fleurir. Et j'ai pas dormi de la nuit, je suis resté debout à fumer par la fenêtre, j'ai toujours pas comment j'ai fait pour en arriver là. Après dedans je devais me barrer à Marbella. Ils ont pété ma bella et saisi ma villa. L'avocat va me casser le dos pour que je me barre de là. Mais nique sa mère, on reste fort. Dès que je suis arrivé au bâtiment, premièrement j'ai mis mon cœur au coffre fort. Deuxièmement faut faire sa place. Je commence par prendre le lit d'en bas, c'est le co-détenu et fait le malin, je nique sa race. Je m'en rappelle encore. soir. Putain, je suis dégoûté quand j'ai appris la nouvelle pour l'autre. Comment ils ont fait, je me suis demandé, tu faisais ton veille, t'étais crédit. Beaucoup de cash et peu de crédit, un peu de fumette, un peu de tigrine, un peu de buvette, un peu de training. Là maintenant, va falloir t'y faire et faire belle avec ton petit frère. Car au placard, ça va trop vite, on passe du paradis à l'enfer. Ne fais confiance qu'à la famille, je planquais mon phone dans le paquet de fac. Mon fils de pute de co-détenu, par une plus qu'à chef du bois. Je te le jure, elle est au cachot, il fait très chaud et tu parles tout seul. Y'a plein de bonhommes au lait et qu'on perdu la boussole. Frérot, ici, te confie à personne, qu'on sort tes couilles et ton pécule. Mon ancien coach, je l'ai éclaté, je failli finir comme un légume. Travaille ou pas, on laisse tomber. Laisse tomber. Et toi là, mais comment ils t'ont monté ma gueule? Frérot, tu sais, je suis discret à mort. À part deux, trois têtes, personne sait nada. Je suis rempli de parasites, ils m'ont pris un demi-litre. J'allais viser un égyptien qui s'appelle Raïda. Mais attends, rendez-vous c'était pas à porte de la chapelle. Un mec au crâne chauve, yeux clairs, balafrant dessus de l'oreille. Des gosses partout, un bébé quand il te ramène la paix. Ce fils de pute tu sais va voir pendant que les condés sont balais. Je pète les plombs sur la vie de ma mère, c'est lui. Y'a un gros sac qui pue de la gueule, j'ai pété en boîte de nuit. Il m'a pas lâché d'une semaine, il m'a appelé toute la semaine. Ce fils de pute a payé cash alors que je pensais qu'il était cul. Oh putain le bâtard, j'ai seum. Il a fait fermer des terres, des gars de Lyon, des gars de Paname, des mecs de Nantes, etc. Moi, fils de putain, il m'a batté en me vendant une pâte. Et puis deux, puis trois, c'est devenu mon pote. Et puis t'inquiète, je l'ai rentré dans le cercle familial. Je lui ai présenté la daronne. J'ai envie de lui faire du sale, j'ai envie de lui niquer sa rate. La donnée, c'est pas d'enfance, pour lui, c'est pas du tout grave. C'est comme mes fils de pute, la même poucave des poucaves. Faut qu'on lui montre bien que la rue, c'est pas n'importe comment. Ce gros bâtard, il va payer l'excès de comportement. Le fait qu'on soit en taule, il va le regretter fortement. On va l'attraper, puis l'attacher dans l'appartement. Directement, ma mère qui pleure, ils ont pété ma femme. Y'a la paire de sous, tu as la paire de time. Je rêve de le manger, ou bien de calacher. J'irai peut-être m'enfoncer, ouais, mais je vais pas lâcher. Boah, quelle dinguerie cette histoire quand même. Eh, chaque chose en son temps, mon ref. Un jour avec le chef du bâtiment, on va se mettre en cellule ensemble. T'inquiète, je suis branché. On va bien s'occuper de ça. T'es un bon. La Tifu, c'est nous, une promenade terminée, on rentre. C'était comme on le parlait. C'est bon, j'ai vu les potes. T'inquiète, le SS va nous ramener les entrecôtes. Et le fils de pute. C'est bon, je t'ai fait rentrer ta puce. Ce soir, je te branche directement avec le mec. Assieds-toi et roule un petit. Je sais bien que tu pètes un câble. On va te le faire, mon ref. C'est pas le mitard qui va arranger les choses. Tu veux demander la condi. En même temps, tu veux le voir dans le coffre de la Audi. Ne laisse pas les nerfs prendre le pas sur ta cause. Ouais, je veux le voir dans la fosse. Yo, je vois plus mes quatre gosses. Le pire, j'ai honte. J'étais confiant. C'est un dromadaire qu'avec quatre bosses. Tu sais, même dans mes rêves, je passe la porte, tu libérable. Y'a Reda qui me tire le col pour me ramener en cellule. Ça fait 40 mois que je tourne. La concu m'a mis aux archives. Dans les pellicules de stab, je revois mes vacances au Maldives. Mon frérot, branche-moi une bonne voix pour tout qu'on en finisse. Je baisse ce qu'il faut pour que ça soit propre et pas qu'on nous remonte. Tu veux parler avec lui? Tiens, parle avec lui. Tiens, ça sonne. Ouais, allô? Ouais, allô, poteau? Bien ou quoi? Ouais, bien. Eh, frérot, je t'appelle par rapport à l'autre. Je suis en sens sa mère, frérot. C'est un mec de chez toi, t'as capté? Il a pas été carré, il nous a donné directement, ma gueule. Des branches avec eux directement. Je peux pas le laisser. Dis-moi, je paye ce qu'il faut, il faut que ça vienne de chez toi, ma gueule. On va le faire, on va le faire. Rien qui bouge, c'est mon accord, zone quadrillée, tout le monde raccord, mon coin corps, je l'entends crier, les diamants, c'est pas encore. Ok, bamos, y'a brevatos, y'a gros matos, son nom gravé sur la bastos, tacos, macos, pas de taros, on te l'arrose et tout gratos. Merci. Sois en paix, je vais biper, sa grand-mère, faut kiper sa tête, sa patte avec Philippe. Okay. Équipier, équipé, on peut pour s'en occuper. Cette mortuaire, jazipé, sur son torse, RIP. Oh la crise, ouais, c'est que chez moi ça démarre au car, je connais deux trois haïe ouais, avec qui je poker à l'occasion. Mon type peut baiser sa soeur. Je sais qu'il va souvent la voir pour voir si elle est pas seule. Facile de lui mettre un traceur. Elle sait quoi, j'ai les outils adéquats de quoi. Éteindre des témoins, je reçois. De quoi l'allumer, je déploie. Deux, trois gars de chez moi, dis-moi. Le jour et l'endroit, j'ai de quoi régler mes conflits. D'habitude faut payer. L'impôt pour lui, ce sera moitié prix. Allô. Ouais, allô, Reda. Ouais, frérot. Moi, ça va ou quoi, frérot? Bien. Ça va et toi? Ouais, tranquille. Que je veux dire, il y a des affaires là qui sont arrivées là. Ah, cool. Ouais, donc vas-y, passe, hein, passe comme d'hab au café. Je passerai ce soir ou demain, ça peut? Vas-y, c'est bon, direct. Vas-y, direct. Vas-y, salam, frérot, salam. Ça dit quoi? J'ai une cop de balance stick. Faut que je te dise, je crois que j'ai cramé l'appartement de sa pute. Mes potes connaissent tous ses potes. T'es mon ref, je veux pas que tu me payes. Et t'inquiète, il t'a balancé, ils vont tous prendre mes patins. J'ai un zinc qui traite avec un zinc qui connaît tous ses zincs. Et comme d'habitude, avec mon cuisse pour les plavons chelous. J'ai trop de gauche sur la cime. Et j'ai tèche la carte sim. Avant de tèche la carte sim, j'ai déjà copié tous les mêmes. Tout se passe bien, ils ont la bonne logistique. Mes potes, c'est pas du béton, il va s'enfumer comme un tristique. Dès qu'il sort du bois de 7, dans sa Audi A7, ce fils de pute va regretter d'avoir volé dans nos assiettes. Amigo, faut lui niquer sa tente. Même tout l'art du monde ne pourra pas acheter sa langue. Et mon bébé tout est en place. Demain ils vont se refaire. Quand la parole devient but moral, faut répondre par les textes. T'es une balance et t'arrives pas à peser tes actes. Mettra du plomb dans la cervelle. Dans un silence de sourd on fait crier les arbres. On te remet les pieds sur la terre ferme. T'as fait pleurer les miens, je vais faire pleurer les tiens gros. 762 pour soigner ton syndrome. Dans un silence de sourd, on fait crier les arbres. T'aurais dû tenir ta langue, gros. Garden de mon frère, en effet. Ce qui compte, c'est les faits, et on l'a fait. Il est dans le fer. Faire ses affaires sans se laisser faire. Notre sphère, et rien n'y fait. C'est comme ça le frère, toujours fier. J'espère que tu as le cœur soulagé. La petite merde en sachet a fini compromis. Champomis.